y a jusqu'à 5 éléments sur cette planète. L'eau, la terre, l'air, le feu et le sang. Mais les objets tombent du ciel, traitent la terre comme des gourdins. La mer est comme une grosse poubelle, et l'air sans le péroule. La mer